On vient d'entendre, de même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi aussi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Puisque aujourd'hui, la providence de Dieu fait coïncider deux fêtes, une fête liturgique chrétienne, à savoir la fête du corps et du sang de Jésus, et l'autre fête, plutôt du monde, aussi populaire, mais qu'on reconnaît comme belle quand même, la fête des Pères. J'ai pensé profiter de cette coïncidence providentielle pour essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, en 2017, sur ce beau mystère de l'Eucharistie, mais aussi de la paternité. Premièrement, quand on parle de paternité, c'est pas un domaine qu'on commence à aborder de façon neutre, parce qu'on a tous une expérience de la paternité. Pour certains parmi vous, parmi nous, c'est une expérience heureuse. Certains ont peut-être un super papa, plein d'amour, plein d'attention, plein de vigueur, d'aventure qui nous fait vivre. Mais aussi, pour beaucoup d'entre nous, notre expérience de la paternité, elle est partiellement blessée. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, messieurs, mais vous n'êtes pas parfaits. Probablement les dames le savent, qu'ils ne sont pas parfaits. Mais aussi, mesdames non plus, vous n'êtes pas parfaites, donc je pourrais reparler de la maternité une autre fois, mais là on va parler de la paternité. Mais toutes nos paternités humaines sont blessées, fragilisées par le péché. On rate parfois la cible dans notre désir d'aimer, d'être aimé. Les diverses blessures actuelles de la paternité sont de toutes sortes. On dit que dans l'ancien temps, il y a quelques années, il y avait beaucoup d'autoritarisme parfois dans les familles, qui peut-être était lié à une difficulté de verbaliser les choses. Et aujourd'hui, on parle des fois des hommes roses, apparemment que les hommes ont de la misère à prendre leur place, ou poser leurs limites, etc. Donc, une des difficultés possibles, c'est justement de se repérer, mais c'est quoi mon rôle? C'est quoi ma place dans la famille? Une autre difficulté de notre vie hyperactive, qui crée peut-être une blessure de paternité, c'est l'absence. On a des agendas tellement remplis que finalement, on n'est pas là quand il faudrait. Et à cet aspect se joint le fait que parfois, dans la difficulté, on a tendance à fuir. Mais il y a une bonne nouvelle. Ça, c'est des petites failles de la paternité possible. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut restaurer en nous notre expérience de la paternité. Il veut restaurer notre expérience de fils et de fille, bien-aimés du Père. Pour ma part, vous le savez, je pense que j'en ai déjà parlé, mon père est décédé quand j'étais plus jeune. Donc j'ai eu une expérience de la paternité, mais une expérience partielle et blessée par l'absence. Quand j'avais 4 ans, il est décédé. J'avais lu à un moment donné, regardé un titre d'un livre qui disait à un moment donné, « Père manquant, fils manqué ». Là je me dis, aïe aïe aïe, je suis mal parti. Mais bonne nouvelle encore, le Seigneur met sur notre route toutes sortes de figures, de compléments de paternité. Et moi, je vois bien, à un moment donné, le Seigneur m'a donné de faire une retraite de guérison intérieure et il m'a donné de voir toutes les autres personnes, ces bonnes et justes figures masculines sur ma route, des professeurs, des amis, d'autres personnes significantes, des prêtres. Un pape, Jean-Paul II, qui m'a beaucoup édifié dans la paternité. Bref, il m'a montré qu'au fond, c'est lui le père de toute paternité, celui qui nous donne sur notre route ce qu'il faut à chaque instant. Aujourd'hui, dans la première lecture, on entend parler de Dieu qui libère son peuple. C'est l'histoire peut-être la plus connue de l'Ancien Testament, l'histoire où Dieu entend le cri des fils d'Israël, du peuple aimé de Dieu, qui crie vers Dieu, fais quelque chose. On est tanné de souffrir dans cette terre d'esclavage en Égypte où on est maltraité. Et Dieu a entendu la prière de ses fils et filles bien-aimés. Il envoie Moïse, qui est déjà une certaine figure de présence, de paternité auprès du peuple, pour le faire sortir, pour vivre cette aventure de la quête vers la liberté. Au fond, c'est l'aventure que Dieu veut à chacun, chacune, nous faire vivre. L'aventure du retour à la liberté. Pour eux, ça a passé par une vraie libération physique. Donc, ils ont quitté, ils ont été poursuivis, mais le Seigneur a séparé les eaux. Ensuite, ils ont eu une longue traversée au désert, où la tentation a été de dire, c'est ça, le Père nous a fait sortir, mais il est plus là. Il nous lâche au désert. Eh bien, le Seigneur a manifesté sa proximité à son peuple par le don de la manne. La manne qui était une sorte de pain mystérieux, une sorte de farine qu'ils trouvaient le matin et qui leur donnait de faire du pain pour la journée, mais il n'y en avait pas plus que pour la journée. Mais à chaque jour, ils avaient ce qu'il fallait. Déjà, cette expérience du peuple hébreu est pour lui l'occasion de faire une expérience d'une paternité-providence, que Dieu est là pour me donner à chaque jour ce qu'il faut. Mais cette expérience que Dieu donne à son peuple, et on sait que le peuple parviendra à la terre promise, et là, ce sera l'abondance de fruits, de légumes et de tout le reste, des viandes grasses et tout. Mais encore une fois, dans cette traversée du désert, Dieu donne à son peuple la manne, qui était au fond un signe, qui annoncerait un autre signe. Et c'est là que j'arrive au mystère d'aujourd'hui, la fête de l'Eucharistie. Jésus, pain vivant. Le Père des cieux, voyant que parfois, justement, on se sent seul, abandonné, oublié peut-être de Dieu le Père, il dit, Dieu, en Jean 3, 16, dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Jésus est l'envoyé du Père, manifestation de la tendresse de Dieu pour nous, pour l'humanité. Jésus, tendresse du Père. Il a marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché avec son peuple, il a annoncé la bonne nouvelle. Il nous a réappris le chemin pour nous apprendre à parler à Dieu comme des fils bien-aimés. Il nous a dit la belle parabole de l'enfant prodigue, disant, peu importe ta vie, peu importe ton histoire, peu importe tes éloignements, dès que tu reviens, le Père court après toi. Il te donne, il t'embrasse, il te donne des sandales, une tunique neuve, l'anneau du Fils bien-aimé, et il tue le veau gras pour toi. Le Père se réjouit, il court au moindre signe de retour. Donc Jésus, manifestation de la tendresse du Père. Jésus avait dit, je pars, je retourne vers mon Père à la fin de sa vie pour vous préparer une place. Toute notre vie est un long chemin, pèlerinage, pour revenir à la maison, chez soi, où Dieu nous attend avec amour. Je pars vous préparer une place, mais la veille de sa mort, il a dit, je vous laisserai pas orphelin, et il nous a promis d'envoyer l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint qui vient en nous, et c'est aussi celui qui crie en nous. Paul nous le dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, qui crie en nous, Abba, Père. Encore une fois, l'Esprit-Saint est lui aussi signe intérieur, celui-là, signe intérieur de la tendresse du Père pour nous. Mais Jésus aussi, juste avant sa mort, nous a donné un autre signe de la tendresse du Père, de sa présence pour nous, lorsqu'il dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il prolonge parmi nous sa présence par le pain consacré et le sang consacré. En Jésus, il est déjà présent dans le tabernacle, mais on va le faire venir sur l'autel pour le recevoir en nous. Et on appelle le sacrement de la messe, le sacrement de l'Eucharistie, on lui donne un nom en latin, Sacramentum Caritatis. Vous avez compris? Votre latin n'est pas pire. Sacrement de la charité. Sacramentum Caritatis. L'Eucharistie, c'est le sacrement de la charité, le signe sensible qui me communique l'amour de Dieu, qui vous communique l'amour connu que Dieu est là, qu'il est dans ma vie, et cet amour qui veut déborder vers les autres aussi, qui veut me fortifier pour sortir de moi-même, sortir dans la rue, aller dire aux autres, à ceux peut-être qui sont sans père, tu n'es pas sans père. Ton Père des cieux est là, il t'attend, il te cherche, il t'aime déjà. Il te précède, il a mis plein de personnes déjà sur ta route bienveillante pour t'aider à te relever, et il en met encore, mais plus encore, il met Jésus sur ta route, signe de la tendresse du Père, et plus encore, il se donne à toi à travers ce Jésus dans l'Eucharistie. Quand on adore l'hostie, hein, avant la messe, il y a de l'adoration ici. On adore Jésus, évidemment. Mais souvent, on s'arrête à Jésus. Et Mère Julienne du Rosaire, qui a fondé les Dominicaines missionnaires adoratrices ici à Québec, disait, hein, le Seigneur lui indiquait, il faut pas s'arrêter à la personne de Jésus. Jésus lui-même nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus lui-même nous conduit ailleurs, il nous conduit au Père. Au fond, Jésus nous aide à entrer dans sa propre adoration, dans son humanité, pour nous apprendre à adorer le Père, arrêter d'en avoir peur, guérir cette fausse image d'un Dieu épouvantable, terrible, juge, destructeur. C'est toutes des fausses images pour revenir à cette image d'un Dieu Père présent dans la tendresse, dans la force de la vie et de l'esprit. Donc l'Eucharistie peut être au fond un mystère de guérison par rapport à la paternité. Par rapport à la paternité humaine, peut-être déficiente que j'ai connue, mais par rapport aussi aux blessures que je peux avoir dans les images de Dieu le Père. Le catéchisme dit que Dieu nous soutient de trois façons. D'une certaine façon, il est à la source de la création, il nous crée. Il est à la source de la rédemption, au sens qu'il nous sauve, mais aussi il est la source de la sanctification. Il fait de nous les saints, les amis de Dieu, les dieux avec Dieu. Et l'Eucharistie, la messe, fait ces trois affaires-là. Jésus, lorsqu'on le reçoit, ce sacrement de la charité, crée en moi l'amour qui était plus là, peut-être. Justement, l'Eucharistie me communique avec le mystère de la mort-résurrection qui me sauve. Et il me tire de mes esclavages. Quand je communie, je peux dire à Dieu, « Donne-moi d'être un fils de Dieu libre avec toi. » Et l'Eucharistie nous divinise. Hein, c'est une expression qu'utilisait Saint Maxime le Confesseur, un père de l'Église. Nous sommes appelés à être divinisés, rendus semblables à Dieu. Très souvent on dit, tel père, tel fils. Ben, Dieu veut pouvoir le dire de vous et de moi, tel père, tel fils. Dieu est plein d'amour, toi aussi t'es faite pour être plein d'amour. Dieu est plein de vérité, plein de vie, mais toi aussi t'es faite pour être plein de vérité, plein de vie. Alors si vous voulez, on va demander à Dieu d'être renouvelé dans notre expérience de Dieu, d'être orienté avec Jésus par le Père, par ce beau mystère de l'Eucharistie. et demandant encore une fois qu'il guérisse tous nos rapports humains, et encore une fois, priant spécialement pour tous les pères de la terre. Il y a deux grands traits de la paternité au fond. Que Dieu nous éclaire, le Père est d'abord miséricorde, accueil inconditionnel de son Fils, mais le Père est aussi source de la parole de vérité qui donne la croissance, qui donne la vie, qui émonde parfois. Demandons à Dieu que nos pères humains soient empreints de cette paternité de Dieu, pleine de cet équilibre, cette miséricordieuse tendresse, cette parole de vérité qui donne la vie. Amen. Thank you.